Salut à tous, bienvenue sur Podcast Science, épisode numéro 39. Aujourd'hui, émission particulière, on est en direct de New York avec le professeur Fon et Pierre Kerner alias Topo. Salut à vous deux. Salut. Salut Mathieu. Alors, comment ça va à New York? Il fait chaud. Fait Très chaud très, très déjà? chaud. Ouais, Ah, il fait vraiment tropical. très très très très chaud. C'est assez inimaginable d'ailleurs. Le contraste est violent du jour au lendemain, comme ça, entre la Suisse et New York. Bon, alors le contraste pour moi, c'est un peu moins Ouais, sans doute. important. C'est vachement étouffant comme ça. Enfin, je crois qu'il y a de l'orage dans l'air, hein. Voilà, exactement. Bon, on se réjouit que ça pète. Bon, d'ailleurs, si nos auditeurs entendent un sorte de buzz de fond, c'est que vous avez la clim, non? C'est ça. Donc on l'entend dans le fond, mais je pense que c'est pas trop dérangeant, c'est supportable pour l'enregistrement. Ouais, c'est le fond diffus climatique. Mais on n'a pas le choix. Pas le Ça donne poste. une ambiance new-yorkaise, c'est comme ça partout, dans les magasins, dans les aéroports. Donc, voilà, bienvenue à New York. Très bien, super, on a une émission internationale. Donc aujourd'hui, on va avoir un petit entretien avec toi, Pierre, mais avant de commencer l'entretien, deux, trois petites choses en ce qui concerne notre visite du CERN. Première chose, il y a Alges qui nous demande de lancer un appel pour partager une chambre à l'auberge de jeunesse de Genève, histoire de limiter les frais. Donc si quelqu'un ne sait pas où dormir et a envie de partager une chambre avec Alges, qui nous fasse signe, on vous mettra en contact. Sinon, il a aussi un compte Twitter, c'est donc @Alges, Alges. Vous pouvez vous mettre en contact avec lui si vous voulez partager une chambre à l'auberge de jeunesse de Genève. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on avait dit la semaine passée qu'on voulait faire des t-shirts aussi, des t-shirts de Podcast Science pour la visite. On a eu pas mal de réponses, je crois que presque tout le monde a répondu. Il nous manque encore deux, trois réponses, donc pour ceux qui ne nous ont pas encore répondu, essayez de nous répondre le plus rapidement possible sur la taille du t-shirt, donc small, medium ou large selon votre taille, parce je pense qu'on va passer la commande pour les imprimer la semaine prochaine. Donc, dépêchez-vous de nous répondre. Sinon, on imprimera. Si nous manque 2-3 réponses, qu'on imprimera des médiums, non? Ouais. Medium, voilà. C'est ce qui va le moins mal à tout le monde, mais ça ira quand même certainement très mal. Enfin, donc, ouais, il y a qu'à répondre. Donc voilà, la visite du CERN s'approche. Je pense que la semaine prochaine, on va essayer d'en parler un peu plus en détail sur comment on s'organise pour se rencontrer, tout ça aussi. Et voilà. Ouais, enfin la semaine prochaine on aura un gros gros dossier sur l'évolution, ça risque de durer assez longtemps, peut-être celle d'après, mais enfin on va vraiment commencer à en parler gentiment là, parce qu'on y arrive. D'accord. Et alors, moi j'ai une question, est-ce que ça va être un truc renouvelable chaque année? Parce que bon, moi de New York, j'entends, je suis très très jaloux, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de CERN ici. Mais ouais, voilà, si vous faisiez ça de manière annuelle, ça pourrait être très très sympa. Je ne sais pas si Mais vous pourquoi pas? comptez faire ça. On n'y avait pas pensé encore. Pour le moment, c'était un événement unique, mais ça me parle, c'est une bonne idée. Tu seras des nôtres l'année prochaine? J'espère, vraiment. En tout cas, Ouais, d'autant plus s'il y a des grosses découvertes qui ont lieu, ce serait bien de pouvoir y retourner aussi. Ouais, c'est vrai. On ira rendre visite au boson de Higgs. On l'aura certainement trouvé d'ici l'année prochaine. Oh, t'es bien, bien optimiste. Ah ouais, moi j'y crois. Ok. Encore une petite chose. Donc on a modifié les flux RSS. On a mis un petit billet sur le site. En principe, en ce qui concerne les émissions audio, il n'y a pas eu de changement. Vous devriez toujours les recevoir de la même manière. C'est juste, professeur Fun? Oui, en fait, j'ai testé dans iTunes, moi j'ai tout reçu à nouveau. Je Ouais, pense que c'est le cas pour tout le ils ont tous monde. été republiés une fois. Exactement, ouais. Donc c'est intéressant pour tous ceux qui avaient rejoint le podcast en cours de route, qui n'avaient que les quelques derniers épisodes. Et puis pour les autres, ça fait un peu doublon, désolé, mais enfin, ça paraît pas dramatique. À partir de maintenant, ce qu'il y a de bien, c'est que le flux RSS va plus s'en mêler les pinceaux. Parce qu'avant, on n'avait qu'un seul flux dans lequel on trouvait les notes d'émission, on trouvait les fichiers audio, etc. Puis à chaque fois qu'il y avait la mention, enfin, à chaque fois qu'il y avait le keyword MP3 quelque part dans les notes d'émission, ou dans un dossier, ben, boum, ça créait un podcast. ça crée un nouvel épisode. C'est comme ça que vous vous êtes retrouvés parfois avec des épisodes qui n'avaient rien à voir avec Podcast Science dans votre flux RSS. Maintenant, ça ne devrait plus arriver, cher poditeur. Alors, désolé de tout ce micmac. À partir de maintenant, en principe, ça devrait être assez propre. Et puis, pour les plus geeks d'entre vous qui voudraient s'abonner aux dossiers ou aux illustrations avec un reader RSS, bah, vous avez toutes les instructions sur le site. C'est un billet qui a été publié la semaine dernière. Ça ne devrait pas être trop compliqué. Parfait. Est-ce que tu avais autre chose à dire en préambule, Mathieu ? Je crois que c'est bon là. C'est bon. Je crois qu'on peut entamer la discussion avec Pierre. Magnifique. Donc, on a la chance de recevoir, enfin plutôt d'être reçu, quelqu'un d'extrêmement intéressant, aux facettes multiples et complètement improbables. J'avais vraiment envie de faire sa connaissance depuis un moment, puis ben, j'ai la chance de me trouver à ses côtés, chez lui, à New York, sur Roosevelt Island, pour être précis, au milieu de l'East River, entre Manhattan et le Queens. Donc là, l'ambiance est posée, le décor est magnifique. D'ailleurs, on a une vue sur le pont qui est top. C'est au sud de Manhattan, au nord. C'est à l'est. C'est à vraiment l'est. Au milieu, à la bordure de Central Park, mais côté est, en plein milieu de la rivière. C'est une île très filiforme où il n'y a pas grand-chose, si ce n'est un joli téléphérique qui est apparu dans le film Spider-Man 1, si je ne m'abuse, et le pont, le Queensboro Bridge, là, qui est justement en face de ma fenêtre. Magnifique. Ça me donne envie de venir vous voir, mais bon, ce sera pour la prochaine fois. Il faut se dépêcher, hein, je reviens en septembre. Ah. Ouais, ça risque d'être juste alors. Ok, donc pour certains, notre invité est le prolifique docteur Pierre Kerner, éminent chercheur en génétique évolutive, co-auteur de nombreux papiers au titre impossible, au hasard origine et diversification de la famille de gènes hélice boucle hélice de base chez les métazoaires, apport de la génomique comparative, ou encore histoire évolutive des gènes iroquois IRX chez les métazoaires. Et pour d'autres, probablement pour la majorité, bah c'est le génial Topo, créateur et auteur principal du blog le plus funky de la planète après Boing Boing, j'ai nommé Strange Stuff and Funky Things. Le blog est en français, et si vous ne le connaissez pas, il est urgent de lui rendre une petite visite. On met bien sûr le lien dans les notes de l'émission. De l'aveu de son créateur, vous y trouverez votre dose quotidienne d'événements étranges, de faits surprenants, de choses incroyables. Et bon, non seulement les sujets du blog sont aussi décalés que passionnants, mais j'ajouterai encore que c'est remarquablement écrit, avec finesse, humour, beaucoup d'esprit, et non seulement c'est très intelligent, mais encore c'est à la portée de tous, vraiment. C'est un modèle en termes de vulgarisation. Donc voilà, je viens de présenter un scientifique brillant doublé d'un poète marrant. Vous comprendrez sincèrement que j'aurais voulu conclure cette introduction en indiquant que, je sais pas, qu'il soit moche ou désagréable pour compenser, mais c'est mal barré, c'est même pas le cas, donc je vais pas m'étendre sur la question. Et je vais conclure cette petite intro autrement, en indiquant par exemple que Pierre alias Topo nous aime bien et prend souvent la peine de commenter nos émissions pour apporter des précisions, ajouter ses trouvailles personnelles, souvent complètement funky d'ailleurs, comme son blog, ou alors carrément pour nous enguirlander quand on raconte n'importe quoi. Podcast Science est sans doute le seul podcast amateur revu et corrigé par des pros. On a une chance exceptionnelle. Alors Pierre, merci. Merci d'être avec nous aujourd'hui et bienvenue dans le podcast. Merci à vous de m'avoir invité, je suis vraiment ravi. Donc on va commencer par quelques questions concernant ton blog, ouais. Strange Stuff and Funky Things. Mathieu, tu avais une question pour commencer, je crois. Bon, bah, une question toute simple. Depuis quand existe ce blog et, ça fait longtemps. Ça fait depuis. Enfin, pour moi, ça fait longtemps. Ça fait depuis le 3 janvier 2009. Et ça fait presque 2 ans maintenant, même plus. Ouais, un peu plus. Ouais. Et c'est quoi ton rythme de publication, plus ou moins? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que bon. On me présente souvent comme l'auteur principal, donc c'est vrai, c'est moi qui écris le plus d'articles, j'en ai 415 à mon actif. 415. Oh là. Et oui. faut savoir que la plupart ne sont pas des articles complets ça n'a rien à voir avec les dossiers de tes dossiers, Mathieu, avec énormément de textes et d'images. Il y avait une grande période où j'ai publié essentiellement des billets avec des petites vidéos, un peu de n'importe quoi. Mais parmi ceux-là, je pense que j'ai déjà fait 200 billets corrects, on va dire, avec un contenu scientifique. Disons, ce que je voulais dire, c'est que j'ai aussi des contributeurs. Il y a Semik, Vran, Fusiraptor, ma femme Élise, mon ami Sam, qui ont aussi participé au blog, et ce qui fait que le total, c'est à l'heure actuelle de 448 billets. Voilà. Ouais. Et donc, ça fait une fréquence que j'ai calculée d'un article tous les 3 jours. Voilà. Ouais, alors que j'avais annoncé une dose quotidienne, donc voilà, c'est déjà fallacieux dès le début. Ouais, mais c'est pas mal non plus. Hein. Et comment est né le projet ? Alors, le projet est né en fait d'un désir pour moi de vulgariser la science de manière générale. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un ami à moi qui a créé son propre blog qui s'appelait Va des rétro Alzheimer, où il mettait tout ce qui allait lui échapper à la mémoire. Et notamment, il m'a demandé parfois de mettre mes petites explications scientifiques qui me demandaient à des sujets comme est-ce que c'est mal de boire son pipi ? Est-ce qu'on risque d'en mourir ? Non, mais vraiment des questions comme ça. Donc, qu'est-ce que c'est que l'évolution ? Parfois, des questions un petit peu plus vastes. Et donc, il m'a demandé de participer à son blog, ce que j'ai fait. Et au bout d'un moment, au bout d'une semaine, j'avais écrit 5 articles, lui un. Je me suis dit, bon, c'est peut-être temps de faire son propre blog. D'inverser la tendance, là. Voilà. Du coup, voilà, j'ai lancé mon propre blog. T'as toujours eu envie de bloguer ou de communiquer, enfin de vulgariser la science d'une manière ou d'une autre, ou oui. C'est venu sur le tard, ouais. Non, on va de vulgariser, oui, j'ai toujours adoré les Sciences et Vie Junior, les Sciences et Vie Scientific American, dès que j'ai pu lire en anglais. Et ouais, non, c'était vraiment un désir que j'ai eu depuis longtemps. Ce qui se passait généralement, c'est ce que je faisais, c'était dans des discussions, c'est-à-dire je me préparais des visites de musées avec des amis, ou bien on me posait des questions, je revenais le lendemain avec des petites explications. Mais c'est vrai que ça s'est resté dans ma tête. Peut-être que c'était pas si évident pour moi. Au bout d'un moment, c'est devenu évident quand j'ai participé à ce blog de cet ami. Mais sinon, ouais, c'est vrai que ça a dû m'accompagner pendant toute ma vie sans que je m'en aperçoive la plupart du temps. Et puis le nom du blog. Alors bon, c'était une grande désillusion justement pour cet ami qui a découvert comment j'ai trouvé ce nom assez incroyable. En fait, c'était une compile de funk qui était au-dessus de mon bureau quand j'ai créé le blog, qui s'appelle Strange Games and Funky Things. Et j'ai changé un mot. Voilà, le blog était sorti. Et quand on a fait mon déménagement pour New York, cet ami est tombé sur la pochette de l'album et il n'en revenait pas. C'était un drame pour lui. Non, mais c'est, j'aime bien le nom, moi. C'est parlant. Alors, les gens le nomment Saft pour ouais, faire beaucoup plus court. Ce qui est, c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique. J'ai pensé après coup aux conséquences de prendre un nom à rallonge. D'ailleurs, c'est ce que je fais pour la plupart des billets de mes articles, qui sont généralement sur 3 lignes. Et après, je me dis, mais faut s'arrêter. Et si on parle un peu du contenu de Saft, on va l'appeler comme ça, le ton est franchement aux antipodes du style scientifique académique. Moi, j'ai l'impression, en te lisant, que tu t'es fixé pour objectif, entre autres, de désacraliser la science. Est-ce que je me trompe ? C'est pas un but. Disons que c'est plutôt un moyen. Si utiliser un style académique permettait de faire comprendre aux gens beaucoup plus efficacement que ma manière, je m'adapterais beaucoup plus facilement. Pour l'instant, c'est pas ce que mon lectorat me laisse présager. Au contraire, on me dit plutôt oui, non, c'est bien, vas-y, mets des gros mots. Enfin, mais sinon, voilà, c'est un peu un à côté. C'est mon style que j'ai développé au tout début du blog, très rapidement. Je pense que mes inspirations, ça va être un peu du rubrique à braque avec la rubrique du docteur Blurp, je crois que c'est ça. Bref, c'est ce genre de style que j'aime bien, un peu décalé, mais qui permet de faire comprendre de manière impeccable et très, très efficace des concepts scientifiques. Après, si on peut faire tomber certains scientifiques de leur tour d'ivoire, c'est tant mieux, mais c'est pas un but. C'est pas le but. Ouais. Bon, c'est super efficace, en tout cas, comme style, effectivement, le message passe bien, je confirme. Saft ne parle pas que de science, hein, c'est juste, hein. Ah non, non. Au début, c'était vraiment un un pense-bête. C'était un peu dans l'image de ce blog de Stamy qui était des rétro-Alzheimer où justement il mettait tout ce qui lui passait par la tête et qu'il ne voulait pas oublier. Il existe toujours, excuse-moi, ce blog va des rétro-Alzheimer? Non, il a muté maintenant. Lui, s'est regroupé avec des amis. Ils ont créé un blog qui s'appelle Même Esprit, qui est très très bien et auquel je ne participe pas parce que maintenant je participe uniquement qu'à mon blog. Mais oui, voilà. Donc le blog va des rétro-Alzheimer. Il y a peut-être une trace sur Internet, mais sinon il est pas alimenté. C'est Même Esprit maintenant qui continue à publier ses articles de culture générale, généralement. On discute de films qu'ils ont bien aimés, d'expositions, de recettes de pancakes ou je ne sais quoi. Moi, c'était un petit peu dans cette image que je voulais rentrer, plus en accent sur des liens un petit peu débiles. C'était un peu avant l'époque forcenée de Facebook ou le partage des vidéos virales. Du coup, moi, c'était un peu ma manière d'utiliser Internet pour partager du contenu. Puis très vite, en fait, je me suis aperçu qu'il y avait un contenu qui me paraissait primordial. Et c'est ce que j'essaye maintenant un tout petit peu de faire. C'est pour ça qu'avant, il y avait... beaucoup de vidéos de chats sur des skateboards ou des choses qui me font marrer. Maintenant, je les ai un petit peu regroupées sur un flux dans une page Facebook dédiée à Saft. Et j'essaye d'un petit peu d'épurer le site pour qu'il y ait... Il peut toujours y avoir des contenus non scientifiques, genre des artistes, des vidéos que j'aime bien, des courts-métrages, j'aime beaucoup l'animation. Mais si je le fais dans le cadre de Saft, je vais essayer plutôt de privilégier des articles un peu plus avec un peu plus de contenu où j'essaie de discuter des auteurs ou des artistes. Mais voilà. Et comment est-ce que tu choisis tes sujets? Alors non, à vrai dire, j'ai un flux RSS j'ai un Google Reader où j'agrège énormément de liens RSS sur tous les blogs que je trouve et j'ai une sorte de box dans lequel je mets tous les liens qui m'intéressent. J'ai également créé des rubriques, donc maintenant parfois je peux mettre à chercher du contenu spécifiquement pour entrer par exemple dans la catégorie des convergences évolutives, qui est un sujet qui est particulièrement développé sur Saft, ou bien les parasites. J'essaie de trouver les parasites les plus dégueux, donc là je vais me mettre à la recherche de contenu spécifique. Mais sinon, non, ça me tombe un petit peu dessus. Tout ce qui m'intrigue, tout ce qui est vraiment bizarre, un jour ou l'autre, j'espère le mettre sur Saft. Maintenant, j'ai 200 liens à traiter. Et... Ah, la source est inépuisable. Ouais, voilà. On connaît un peu le problème, j'ai plus de patience. Et qui sont tes lecteurs? Déjà, combien sont-ils? Alors, si tu le sais. Je pense que de manière générale, il y a 200 à 300 lecteurs fidèles à Saft, si je ne m'abuse. Enfin, c'est ce qu'on voit sur les statistiques de mon site est précis. Maintenant, ce que j'essaie de faire aussi, c'est d'étendre un tout petit peu les articles de Saft sur d'autres plateformes. Il y a notamment Agoravox, sur lequel je reposte des articles de Saft. Il y a OVNiScience, il y a le Café des Sciences, il y a Paperblog, Facebook, Twitter, où en fait je republie mes articles, où je relis mes articles. Et c'est là où en fait que je m'aperçois qu'il y a une grande diversité sur Internet du lectorat, et notamment sur Agoravox. J'adore comparer les commentaires très tenus, très sympathiques sur mon blog avec ceux sur Agoravox où on me traite de tous les noms. Parfois ils sont très très élogieux, mais généralement c'est... C'est plus critique sur Agoravox? En fait, c'est pas mon blog, donc nécessairement c'est une plateforme qui apporte à ce que les gens... regarde le lien sans vraiment comprendre ce que c'est, et parfois il y a des surprises, des créationnistes, des gens qui veulent juste des trolls, des gens qui veulent juste crier un petit peu à qui mieux. Non, c'est assez intéressant en fait de voir les différents lectorats en fonction des plateformes où on publie. Je vous conseille, c'est vraiment très sympa. Et sur ta plateforme, sur ton site, t'as un outil de vote. Oui. Qui permet aux lecteurs d'indiquer s'ils ont trouvé l'article funky ou pourri, qui est présent dans chaque article. C'est là depuis le début? C'est pas là depuis le début. En fait, je suis sur une plateforme de blog qui s'appelle DotClear, et au début, comme tout le monde, j'essaye de mettre le maximum d'applications, de petits gadgets, de widgets. Et je suis tombé sur celui-là. Ce qui est marrant, c'est que ça a été un gadget qui a été développé par Julien Imper de Gaiasphère, qui est un autre blog scientifique que je conseille fortement, malheureusement, qui n'est pas énormément actualisé. Et justement, lui, il a conçu cet outil de vote sur sa plateforme. C'est oui, non, pour voter sur ses articles. Et un jour, il a commenté sur mon blog. Il a fait la remarque qu'il reconnaissait le gadget. Et je lui ai tout de suite demandé comment on peut changer les noms, parce que oui, non, c'est pas possible. Et c'est là où j'ai pu mettre Funky pourri. Donc voilà, c'est la genèse de cet outil. D'accord. Et puis, tu as une statistique. Est-ce que tu sais si les articles sont plutôt funky ou plutôt pourris ? Ils sont plutôt pourris, hein. C'est très surprenant. Oh, ouais, non, la moitié des articles, en fait, j'ai compté, il y a plus de 200 articles qui sont à plus de 50% pourris. Donc, C'est vache, hein. Si j'en crois. Mais en fait, c'est pas un outil qui marche très, très bien. Notamment, très, très vite, il y a des lecteurs qui ont remarqué qu'on pouvait recliquer sans actualiser la page. Ah, d'accord. Et je me suis retrouvé parfois avec un article qui venait d'être publié avec 3000 votes pourris. Donc, il y a peut-être un petit souci à ce niveau-là. Quelqu'un qui s'amusait à cliquer en retour. Du coup, moi aussi, je me suis amusé à cliquer en retour pour voter funky, bien sûr. Pour rétablir l'équilibre. Et au final, maintenant, c'est juste un indicateur direct dans les quelques minutes qui suivent s'il n'y a pas de triche, de voir si l'article a une bonne réception. Mais à terme, c'est un peu comme... je sais pas, comme un cimetière à articles pourris, ça tend toujours vers le pourri. Donc si j'en crois les statistiques, je devrais m'arrêter tout de suite. Mais les gens viennent de plus en plus, donc... Ouais, j'espère que tu ne croiras pas les statistiques. et l'article le plus funky que tu aies jamais écrit ? Alors en termes de statistiques, j'ai noté ça. Excusez-moi, je vais regarder mes notes. Alors, l'article le plus pourri, c'est un article sur le loup de Tasmanie, une espèce carnivore de marsupial appelée le thylacine et qui ressemble à s'y méprendre à un chien. Et les articles avec le plus de votes funky sont ceux qui viennent juste de paraître, généralement. C'est-à-dire que c'est pas avec le... Comme il n'y a pas un nombre de votes très important, là, la différence fait que très vite, ils ont un pourcentage assez fort en funky. D'accord, donc les early adopteurs votent funky. Voilà, donc généralement ça marche. Donc là, j'ai des statistiques avec 93-95% de funky. J'ai jamais eu 100% de funky. Au bout de 10 minutes, il y a tout nécessairement quelqu'un qui vote pourri, systématiquement. Je ne sais pas, si je le retrouve. Ça va être un bot, un spam bot. Je ne sais pas, peut-être. Bon, bref. Ou quelqu'un qui ne me vraiment pas, mais qui revient à la recharge à chaque fois pour essayer de me convaincre d'arrêter de bloguer. Et sinon, l'article avec le plus de votes et qui est le plus funky, c'est celui qui était traité sur les bébés paresseux. Donc, c'est les paresseux, les animaux. Et j'ai mis une petite vidéo où on voit un sanctuaire au Costa Rica, où on voit des bébés paresseux, ils sont vraiment adorables. Donc là, je comprends tout à fait. Mais bon, c'est un appel lolcats. Internet avec que des vidéos de chats mignons et tout ça, donc voilà, ça n'échappe pas à Saft. L'article le plus funky selon la populace, c'est ça. C'est les petites peluches. En parlant de peluches, moi, l'article le plus funky que je pense avoir écrit, c'est justement les peluches de nombril. Un article qui s'appelle « Le parasite le plus horrible du monde », si je ne m'abuse. Et généralement, les hommes, moins les femmes, accumulent des petites peluches de vêtements, de textiles dans le nombril, et j'ai fait un article entier sur la question pour savoir à quoi c'est dû, comment on accumule, qui c'est qui accumule de plus de peluches de nombril en fonction de la taille du nombril, la profondeur du nombril, la forme du nombril. Et c'est une recherche qui a gagné un Ig Nobel. Donc, absolument, mais c'est le docteur Karl d'ailleurs, une de mes idoles. Ah d'accord, voilà. Ces Nobel, ce sont les prix qu'on donne aux recherches, entre guillemets, les moins utiles ou les plus farfelues, non ? Voilà, les plus farfelues, les moins utiles. Et je crois qu'il y a un sous-titre qui dit « Ce sont des recherches qui nous font rire d'abord et ensuite réfléchir. » Et en l'occurrence, oui, c'était une recherche qui était bien menée, en effet, et qui faisait réfléchir après sur l'utilité des aéroports à peluche de nombril dans notre ventre. Pourquoi ça ? À quoi ça sert ? Bref. Et pourquoi c'est bleu ? Je crois que c'est pas tout le temps bleu. En fait, c'est une question qui était très bien menée. Si vous allez sur l'article de Saft, vous allez voir un collecteur chevronné qui a collecté depuis plus de 20 ans ses peluches de nombril. C'est très très beau. Hein. C'est vraiment... Et lui, il a tout un patchwork justement, et il a remarqué que généralement, en fonction des t-shirts, il y avait une petite variation sur la teinte, mais la plus grosse variation, c'est quand il changeait sa toilette de bain, sa serviette de bain. Et donc d'accord. Là, justement, quand on se frotte le ventre avec la serviette de bain, s'il avait une serviette rouge, ben, il avait des peluches rouges, et puis et vice versa. S'il avait... Mais t'as dit qu'il a récolté durant 20 ans ses peluches de son oui. nombril? Tout à fait. Avec une pincette, une pipette. C'est dans des jarres en verre. C'est très joli. Je ne sais pas s'il vise un. Je crois, peut-être qu'il a déjà gagné le Guinness Book, je ne sais pas, mais en tout cas, sa collection est très impressionnante. Ça ne m'a pas donné envie de commencer la mienne, mais on le félicite. Faut le faire, ouais, pas mal. Dévoué à la science comme ça. Premier acte en se levant tous les matins. Bon, c'est magnifique. Ouais, ça m'a l'air bien funky, effectivement. Il faudra qu'on récupère le lien et puis qu'on le mette dans les notes de l'émission. Ouais, on va le rechercher, moi, ça m'intéresse. Ok, on va peut-être un peu passer sur ton parcours aussi, maintenant. D'accord. Donc, en fait, là, tu habites à New York. Tu es parti à New York faire un postdoc, c'est ça? Oui, alors, oui, c'est ça. Un postdoc, c'est ce qu'on refait en recherche après la thèse. Ça s'appelle un postdoctorat, donc le diplôme qu'on a à la fin d'une thèse, c'est un doctorat. Et ta thèse, tu l'as fait où juste? Je l'ai fait à Paris, ouais. dans un laboratoire du CNRS de Gif-sur-Yvette, qui a maintenant déménagé à l'Institut Jacques Monod de Paris 7. Et voilà, j'ai passé 4 ans de ma vie de thésard à Gif-sur-Yvette, à l'issue de laquelle j'ai cherché un postdoc ciblé à New York en fait. Et voilà. Et ta thèse portait sur quoi? Alors, je peux te lire le titre, j'ai sorti ma thèse parce que je me suis dit que ça allait tomber. Alors, ma thèse, c'est l'étude de l'évolution du système nerveux chez les animaux. Pour l'instant, tout va bien. Neurogénèse comparative et phylogénomique. Donc, c'est des jolis mots. Ouais. En gros, ce que j'ai fait, c'est étudier le système nerveux d'un ver marin qui s'appelle Platineris dumerili et étudier les gènes impliqués dans la formation du système nerveux pour essayer de retracer l'histoire évolutive du système nerveux chez les animaux, pour savoir comment ça se fait, comment est-ce que le système nerveux était compacté chez tous les animaux, chez l'animal ancestral qui a donné naissance à tout, qui a permis l'émergence de tous les animaux actuels, les mouches, les vertébrés, tout ça, ou est-ce que c'était un système nerveux lâche, comment était-il organisé, quels étaient les gènes qui étaient impliqués dans sa formation, etc. Mmh. Et donc, après cette thèse, tu as cherché un postdoc à New York? Ouais, spécifiquement. Spécifiquement ouais. À New York parce que tu avais envie de découvrir la ville ou... Non, parce que je connaissais déjà la ville, justement. Je suis tombé amoureux de New York depuis assez longtemps. J'ai un bout de ma famille qui est ici, dont ma tante, qui est également biologiste. Elle est immunologiste. Je ne sais pas si c'est un bon terme, immunologue. Elle est biologiste en immunologie et elle m'a aidé à trouver un stage dans son laboratoire en 2002. Et j'étais resté donc deux mois, en 2002 pour faire mon stage là-bas, à l'issue desquelles je me suis dit que sitôt que je puisse revenir, je le ferai. J'étais aussi avec ma femme qui m'a rejoint pour deux petites semaines à la fin de mon séjour, et on est tous les deux tombés amoureux. On s'est dit, si on arrive une fois à avoir un projet de pouvoir retourner à New York, il faudra qu'on le réalise. Et c'est fait. Et, voilà. Et c'est depuis quand que t'es à New York? Depuis septembre 2009. Ah oui, d'accord, septembre 2009, ouais, ça fait déjà un bout de temps. Ça va faire 2 ans en septembre. Ouais. Ça, d'ailleurs, je reviens en septembre, ça aura fait pile poil 2 ans. Mm-hmm. Le statut des chercheurs en Europe a la réputation d'être ingrat, en France en particulier. Est-ce que, comparaison à l'appui, tu confirmes, la vie est plus facile pour toi aux US? Non. Alors moi, je ne confirme pas ça. Peut-être un petit peu aux antipodes des idées reçues. Ce qui est beaucoup plus facile aux États-Unis ou dans certains pays comme l'Allemagne ou même la Suisse, c'est la création d'équipes énormes, c'est-à-dire de grosses équipes de recherche, de gros instituts. On facilite l'agrégation autour d'un chercheur illustre pour qu'il fasse ses recherches. Mais par contre, le statut des postdocs ou des doctorants ou même de chercheurs qui sont moins fortunés en termes scientifiques, c'est-à-dire qui ont moins de facilité à trouver des fonds des fonds monétaires, non, je ne sais pas comment on dit. Bref. Mais du financement. Voilà, du financement. Pour tout cela, c'est un peu kiki le bourricot. C'est la même chose qu'en France. On se retrouve avec une situation tout à fait similaire. Bon, les salaires sont peut-être un petit peu plus grands ici pour un postdoc, mais au final, le coût de la vie fait que. Les loyers aussi. Voilà, les loyers. Bon, moi, j'ai la chance d'avoir un loyer qui est un tout petit peu assuré par l'université que j'ai intégrée. Mais il reste que les taxes, c'est la même chose. Il ne faut pas croire qu'on paye moins d'impôts aux États-Unis. Le coût de la vie, c'est important. Dès qu'on a un problème de santé, on sent tout autre poids qui tombe sur nous. Il y a une bonne couverture de santé pour la plupart des post-docs, mais ça reste rien par rapport à la couverture qu'on peut obtenir en France. Quelque chose comme ça. Donc, au final, je pense qu'on s'y retrouve. Et que c'est pas fameux. D'accord. Et puis, bon, il y a peut-être un autre truc encore aux États-Unis, quand on parle d'idées reçues, tu vas peut-être pouvoir nous les confirmer. Je pense notamment aux différents lobbies religieux, à leur influence, notamment aux tonitruants créationnistes, dont on va parler la semaine prochaine, d'ailleurs, à l'occasion du dossier sur l'évolution qu'on a évoqué en introduction. Est-ce que c'est une réalité avec laquelle il faut composer, aujourd'hui, en tant que scientifique aux États-Unis, ou bien c'est des réseaux complètement cloisonnés qui ne s'influencent pas tellement l'un l'autre ? Alors moi, je vais parler uniquement de ma propre expérience. Mm-hmm. J'ai rien vu de tel, c'est-à-dire qu'il y a une présence créationniste qui est visible. C'est peut-être la seule chose qui peut choquer par rapport à la France, c'est-à-dire qu'on peut trouver des pubs, d'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu dans le métro, il y a encore des pubs pour la fin du monde le 21 mai. C'est un peu dommage, c'est raté. Mais hormis ça, j'ai rien vu de catastrophique à New York. C'est vraiment une ville presque européenne, on va dire, où le poids du créationnisme ne se fait pas du tout sentir sur les équipes de recherche. Même, enfin, moi, je suis dans un laboratoire évolutif, donc je devrais être la première cible pour ce genre de choses. Bon, peut-être qu'il y a aussi des équipes qui travaillent sur les cellules souches qui pourraient avoir un autre son de cloche que moi, mais en tout cas, sur mes recherches, j'ai rien vu. C'est vrai, c'est vrai que New York, c'est peut-être pas non plus la ville américaine la plus représentative pour ce genre de mouvement, parce que c'est une ville très, très internationale. J'ai entendu l'autre jour, d'ailleurs, je crois qu'on parlait plus de 200 langues différentes à New York. Ouais, tout à fait. Ça m'est arrivé de ne pas pouvoir parler, m'adresser à certains serveurs dans des restaurants ou dans des boutiques parce qu'ils ne parlent pas anglais. Ouais. Ils parlent uniquement espagnol. Bon, moi, je ne connais pas l'espagnol, mais parfois même chinois. Commencer à te parler chinois, pourquoi pas. Il y a énormément de langues, il y a beaucoup trop de français à mon avis. Je suis toujours énervé parce que je me balade dans la rue, j'entends du français, je fais non mais je suis pas à Paris. Donc voilà, c'est vraiment une ville hétéroclite et c'est pas la bonne ville pour voir finalement des idées préconçues sur le créationnisme. Dans l'Amérique profonde. Ouais, peut-être. J'ai entendu d'autres sons de cloche dans l'université de Yale qui est à New Haven, où là, c'est le poids de la religion fait un petit peu plus sentir, mais sans problème sur les recherches menées. C'est-à-dire que c'est encore plus visible qu'à New York, mais ça n'interrompt pas les recherches. Peut-être que dans le Texas ou dans le Tennessee, il y aura vraiment d'autres problèmes, mais pas à New York, pas sur la côte Est, pas en Californie, j'imagine pas, ni à San Francisco. Donc, bon, pour l'instant, ça va, quoi. Ok, bon à savoir. Sinon, alors sur ta recherche actuelle, Mathieu, tu avais une question ? Non. Non ? Enfin oui, j'ai des questions, mais pour plus tard. D'accord. Donc aujourd'hui, tu bosses sur les acidies, c'est ouais, juste ? Tout à fait. C'est funky comme créature ? Non. Non ? ça a l'air comme ça, mais... En fait, c'est très funky comme objet d'étude. Je ne nie pas, c'est vraiment passionnant. J'adore la recherche qu'on y fait, mais en tant qu'animal, c'est vraiment très surprenant. En fait, il faut s'imaginer un bout de tuyau, généralement transparent, en U. Et voilà, c'est ça la forme de l'animal adulte. C'est une sorte de pompe qui généralement reste sur les fonds de l'eau, qui s'attache sur les fonds de l'eau. Et qui ne fait que pomper. C'est un animal filtreur. Il y a énormément... En fait, les acidies font partie d'un groupe qui s'appelle les tuniciers. Et il y a plus de 1500 espèces de tuniciers. Ce qui est très, très surprenant, en fait, c'est que ces animaux, donc, qui ne ressemblent pas à grand-chose, qui ressemblent peut-être plus de prime abord à des éponges ou peut-être à des coraux, en fait, parmi tous les animaux qui existent à l'heure actuelle, ce sont les animaux les plus proches des vertébrés. Donc, voilà, ça peut rester très surprenant, mais on est plus proche des acidies. Je pense que malheureusement, à part s'imaginer un bout de tuyau d'arrosage dans la tête, il n'y a pas grand-chose à faire à part regarder sur Google le terme acidie pour voir quelques images. Comment tu écris acidie? A-S-C-I-D-I-E. D'accord. Et l'espèce en particulier sur laquelle je travaille, c'est Ciona intestinalis. Ciona avec un C. C-I-O-N-A. Ouais. Voilà. Si tu tapes Ciona, généralement, tu devrais trouver des images. Intestinalis, parce qu'on la trouve dans l'intestin ou parce qu'elle ressemble à l'intestin? Non, je pense parce qu'elle a le... Je crois qu'intestinalis... moi, je vais dire des bêtises, donc je vais me taire. Je pense que c'est en fonction de la couleur, mais pas en fonction de l'intestin. Mais bon, si on a intestinalis, de toute façon, elle est pratiquement transparente, à part le bout de justement ces tuyaux qu'on appelle des siphons et qui sert à pomper l'eau de mer pour filtrer. Et donc, on est plus proche des acidies, nous, les vertébrés, les mammifères, enfin, tous les vertébrés qu'on connaît, on est plus proche des acidies que d'une mouche, que d'une étoile de mer, que d'une éponge, que d'un calmar, que d'un ver marin. Mais sur quelle base tu te dis qu'on est plus près en termes, je sais pas, génétiques, En termes de parenté, c'est-à-dire que en fait, on a un ancêtre, le dernier ancêtre commun de l'acidie et des humains est beaucoup plus, c'est très difficile à expliquer de manière correcte, et à chaque fois, il faut que je fasse attention aux mots que j'utilise. En termes de parenté, si tu imagines un cousinage, l'acidie, c'est le plus proche cousin des humains que n'importe quel autre animal. Et en fait, une drosophile par rapport à... Enfin, pardon, une drosophile, c'est une mouche. Donc, une mouche par rapport à l'acidie, ce sera un cousin du second ou tout troisième degré, tandis que l'acidie, c'est vraiment celui avec lequel on a un lien de parenté le plus fort. Mmh. En fait, maintenant, les classifications qu'on établit à l'heure actuelle, les classifications qu'on appelle phylogénétiques, sont des classifications qui essayent de retracer les liens de parenté, c'est-à-dire un ancêtre et tous ses descendants, et on essaie de faire des groupes comme ça d'ancêtres et tous ses descendants pour essayer de retrouver finalement un arbre plus ou moins généalogique. On dit un arbre phylogénétique parce que dans un arbre généalogique, on a accès aux ancêtres, tandis qu'à l'heure actuelle, on a accès uniquement aux espèces actuelles ou à des espèces fossiles. Mais donc voilà, c'est ce qu'on essaie de faire, de retracer les groupes en fonction de leur lien de parenté. Et donc l'acidie, c'est celui avec lequel, l'animal avec lequel on a le plus de liens de parenté, les liens de parenté les plus proches. Et donc l'acidie, c'est un animal marin, t'as dit? Oui, tout à fait. Donc on est plus proche d'un animal marin que d'une mouche qui ne l'est pas finalement. Tout à fait, ouais. Exactement. Que d'un crabe, ou que d'un escargot, tout à fait. Et l'intérêt de les étudier? Alors l'intérêt de les étudier justement, c'est parce que ce sont les animaux les plus proches des vertébrés. Et moi, je m'intéresse en fait aux gènes qui sont impliqués dans la formation de différents organes chez cet organisme. Parce qu'il a quand même des organes. Oui, tout à fait. D'accord. C'est en fait ce qui est très très intéressant chez l'acidie, c'est que la forme adulte suit une métamorphose. Donc l'embryon commence par développer une petite larve. Et quand on compare la larve d'ailleurs d'une acidie avec une larve de têtard, on voit tout de suite à quel point les similitudes sont frappantes. Notamment, il y a un organe embryonnaire que tous les vertébrés ont, et que ont également les acidies, qui s'appelle la corde. C'est une structure embryonnaire qui, chez les mammifères, généralement disparaît au cours du développement, mais qui reste chez la plupart des poissons, qui reste chez beaucoup de vertébrés, en fait, et qui a également une structure transitoire chez l'acidie. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler, en fait, sur les gènes qui sont impliqués dans la formation de cette corde, et notamment, je ne sais pas si vous vous rappelez, donc, dans votre podcast, sur votre émission sur l'ADN, vous avez parlé des parties poubelles de l'ADN, du junk DNA, et en fait, on s'est aperçu très, très vite qu'il y avait... donc une très petite partie de l'ADN qui était dédiée à former des protéines, qui codent pour des protéines, mais il y a énormément de parties de l'ADN qui semblaient ne servir à rien. En fait, on s'aperçoit de plus en plus que non, c'est pas le cas, c'est extrêmement utile. Et moi, je m'intéresse justement sur des régions qui permettent de dire où et quand des protéines doivent être produites. Donc, au cours du développement, chaque cellule va produire des protéines différentes, ce qui va permettre d'ailleurs de différencier les cellules au fur et à mesure des divisions cellulaires. Et donc, ce qui permet finalement de différencier ces cellules, c'est des programmes génétiques, c'est-à-dire des programmes qui sont non pas codés dans les parties qui codent pour des protéines, mais dans ces parties junk DNA. D'accord. On s'appelle des séquences régulatrices. C'est des petits bouts d'ADN qui vont dire, bon, bah, toi, cellule A, tu vas produire telle ou telle protéine, ce qui va te permettre ensuite de donner des neurones. Et toi, cellule B, bah, tu vas produire telle ou telle protéine pour te différencier en autres types cellulaires comme du muscle ou des cellules de la corde. Et moi, je m'intéresse justement aux mécanismes régulatoires impliqués dans la formation de la corde. Et on essaie de comprendre quels sont les mécanismes. Est-ce qu'il y a des mécanismes qui sont similaires entre les vertébrés et la CIDI? Est-ce qu'on est capable de comprendre en fait comment ça marche? Parce qu'on en est un petit peu au balbutiement. Donc ça, c'est ton travail de recherche dans le cadre de ton postdoc. C'est le Tout thème de ton postdoc ou c'est une partie? C'est le thème de mon postdoc. Et malheureusement, c'est un peu comme sur mon blog. Je me disperse très très rapidement. Donc j'ai fait beaucoup de choses sur mon postdoc. J'ai déjà participé à 2 articles qui sont pas du tout en fait le projet de recherche sur lequel je travaille actuellement, mais sur lequel je me suis greffé parce que bah, voilà, quoi, ça me passionne. Et j'ai notamment des compétences qui manquaient énormément dans le laboratoire que j'ai intégré. Donc j'ai très facilement pu m'intégrer à des projets qui n'étaient pas mon projet de recherche maximum, initial tout à fait. Et d'ailleurs, mon projet initial, c'était pas de travailler sur la corde, qui est le thème principal du laboratoire. Je suis arrivé, j'ai dit, ah ouais, c'est bien la corde, mais moi, je vais travailler sur le muscle. Voilà. Il impose son style et il ne finit pas. Bref. Je vois. Bon, nous, c'est pas souvent qu'on a la chance d'avoir un chercheur sous la main. Alors, on s'imagine plein de choses. Tu peux nous expliquer concrètement comment ça se passe au laboratoire? Genre, tu portes une blouse blanche, t'as des pipettes ou t'es plutôt derrière un écran d'ordinateur? Tu travailles seul, vous êtes en équipe, comment ça se passe? Alors, ce qui se passe, je porte une blouse blanche, en effet. Il faut porter une blouse blanche. Il y a beaucoup d'équipes dans lesquelles on va voir des gens qui ne travaillent pas en blouse blanche, c'est très mal. Il faut mettre une blouse blanche, c'est mieux pour la sécurité, ça permet de ne pas saloper ses vêtements, donc voilà, il faut porter des blouses blanches. Mais moi, je la porte un tiers du temps, et deux tiers du temps, en fait, je travaille sur ordinateur, parce que comme je travaille sur ces séquences d'ADN, et sur des séquences de gènes, je fais beaucoup de travail qu'on dit in silico, c'est-à-dire sur ordinateur, à essayer d'essayer de trouver les liens de parenté entre les gènes. Parce qu'il y a des liens de parenté entre les espèces, mais il y a aussi des liens de parenté entre les gènes et qui parfois ne concordent pas entre justement ces liens de parenté entre espèces. Donc, je m'intéresse à ces mécanismes. In silico. In silico. C'est joli. J'aime bien. Ça, c'est une image typique de biologiste, un peu, de, non? De in silico. De représenter ouais, un ordinateur. Avec beaucoup de mépris de la part de beaucoup de collègues, d'ailleurs, mais moi, c'est mon travail principal. Et oui, voilà, donc il y a du travail in vitro, quand on est avec ses pipettes, sa blouse blanche et qu'on travaille avec des petits tubes en plastique, et du travail in silico. Et moi, je fais aussi du travail in vivo, c'est-à-dire que je travaille sur la bestiole en développement et j'essaie de voir comment les gènes sont allumés au cours de la formation des muscles, de la notochordée. Avec des microscopes ou... Oui, bien sûr. Alors, oui, c'est visible à l'œil nu, mais ce ne serait pas très, très pratique, ni avec une loupe. Donc, j'utilise beaucoup de microscopes, notamment des microscopes confocaux, qui permettent d'utiliser des lasers pour pouvoir exciter des molécules fluorescentes qu'on a préalablement injectées ou mis à l'intérieur de notre bestiole, et pouvoir justement voir où les gènes sont exprimés, comment ils sont exprimés, etc. Donc oui, je fais pas mal de microscopie. C'est aussi une de mes compétences que j'ai développées au cours de ma thèse et de mon postdoc. Ok. Et pour en revenir à ton quotidien, tu bosses plutôt seul ou en équipe? Alors, ça dépend. Ça dépend. Bah, là, les collaborations que j'ai faites, justement, les articles sur lesquels je me suis greffé, j'ai repris des projets qui étaient en cours. Ça dépend un peu des équipes. Mais moi, par exemple, il y avait quelqu'un qui était en postdoc, mais pour... très, très, très court temps, parce que elle avait l'occasion de faire un autre postdoc dans un autre laboratoire. Du coup, elle se retrouvait avec un projet inachevé sur lequel je me suis greffé et au final, j'ai fait la majorité du travail pour refaire un tout petit peu une partie de ces manipulations. Et voilà, donc c'est là, par exemple, typiquement, c'était pas en équipe, j'étais seul sur ce ouais. projet, mais je communiquais avec elle. Il y a d'autres projets où je peux travailler en équipe, mais généralement, un postdoc, comme il y a un impératif de faire une publication très rapidement, dont il doit être le principal manipulateur, il y a aussi une tendance à faire un petit peu solo. C'est un métier solitaire. Hein. Non, c'est pas un métier solitaire, c'est justement la fonction de postdoc qui est très solitaire, mais sitôt, bah, quand on est thésard, on a un peu envie d'être avec d'autres personnes, mm-hmm. parce qu'on a envie d'être chapeauté, d'être un petit peu supervisé, et quand on est ensuite un chercheur un petit peu plus... Quand on passe le cap de chercheur et non plus postdoc, bah, généralement, on dirige des étudiants, donc à ce niveau-là, on se retrouve à diriger une équipe. D'accord. Mais il y a quand même un professeur ou une personne responsable qui suit ton travail, ou bien non ? Oui, oui, tout à fait. Ouais. Il y a ce qu'on appelle ici un PI, pour Principal Investigator. Et ma PI, c'est Anna Di Gregorio, qui est donc docteur, qui n'est pas professeur. Mais quand on est PI, en fait, ça veut dire qu'on a des financements pour pouvoir diriger ses propres recherches. Mmh. D'ailleurs, elle ne manie pas, elle ne fait que diriger les recherches. Chapeauter, on lui apporte un petit peu les résultats, elle dit ah bah ça c'est bien, ça future commence, etc. Un postdoc, c'est un petit peu entre les deux, c'est quelqu'un qui doit faire son projet de recherche généralement, et ensuite la PI vient derrière pour voir si c'est bien, et ensemble on commence un tout petit peu à collaborer en tant que chercheur à peu près sur le même niveau. Ça dépend bien sûr des personnalités, et voilà. Et typiquement sur ces animaux, les ascidies, vous êtes combien à travailler dessus ? Tu veux dire dans le monde ? Non, dans ton laboratoire ou... Dans mon laboratoire, on est 5 en total. Mmh. Donc c'est vraiment une toute petite équipe. C'est très rare. Moi, j'aime beaucoup les petites équipes parce que justement, c'est un petit peu plus convivial et en plus, on est beaucoup, beaucoup mieux dirigé. Dans le même étage, il y a un autre laboratoire avec 6 personnes, un autre laboratoire avec 10 personnes, mais très souvent, les grosses équipes, celles qui ramènent des belles publications, sont des équipes de 30 personnes. Mmh. Toujours, ça dépend toujours du sujet. Si on est sur le terrain, là, c'est un petit peu plus différent. Enfin, ça dépend. Voilà. D'accord. Et puis, par rapport à la question de combien dans le monde, vous collaborez avec d'autres centres de recherche ? Alors, pour la CIDI, c'est très rapide. En fait, comme on est une petite communauté, on doit être, je ne sais pas, une vingtaine de laboratoires à travers le monde. Il y en a beaucoup au Japon, probablement parce que la plupart de la population en mange, des ACIDI, et que c'est aussi une espèce endémique des côtes japonaises. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'ACIDI sur les côtes japonaises, donc c'est très facile en fait, de s'intéresser à ce genre d'animaux. Qu'est-ce qui pousse sur mon bateau ? Bah, tiens, je vais regarder ce que c'est. Et donc c'est une communauté assez dynamique, mais pour lesquelles en fait les outils sont très difficiles à obtenir. Du coup, il y a un petit peu, on essaie un petit peu de se serrer les coudes. Nous, par exemple, on a une collection de séquences d'ADN qui est extrêmement importante. Donc on a d'autres laboratoires dans New York qui viennent dans nos fouiller dans nos tiroirs de congélateurs pour retrouver ces ADN. Moi, j'ai travaillé sur, sitôt que je suis arrivé dans mon laboratoire, j'ai travaillé sur un autre organisme tunisien qui s'appelle Oikoplora duica. Et bien entendu, ça ne pousse pas à New York ni en Californie. On est obligé de se les faire livrer par une autre équipe qui a collaboré sur notre article et qui vient de Norvège. Voilà. On se faisait venir, faire venir nos spécimens de Norvège directement. Donc oui, on doit collaborer pour ce genre de communauté. Par contre, quand on est dans une communauté comme la mouche, qui est un organisme modèle beaucoup plus connu, ou la souris, bah là, nécessairement, il y a beaucoup plus de... Il y a un petit peu moins de collaboration, beaucoup plus de compétition. Il faut faire un petit peu attention à ce qu'on dit, à ce qu'on partage, etc. Et là, cette recherche sur les acidies, qui c'est qui la finance ? Là, c'est le NIH, c'est-à-dire le National Institute of Health des USA. Ça correspond un tout petit peu au CNRS en France, c'est-à-dire c'est une grosse agence nationale de sciences. Il y en a plusieurs en fait aux USA. qui finance des projets. Donc on est financé, c'est-à-dire que le projet qui a été proposé par Anna Di Gregorio a été accepté. Et en fait, on a des financements renouvelables pour 2 ou 3 ans. Mais chaque année, en fait, il faut produire des résultats, généralement, c'est-à-dire des publications dans des revues. Et ensuite, on peut renouveler les financements. Sinon, il y a aussi d'autres financements caritatifs, des financements parfois privés, s'il y a des industries pharmaceutiques ou autres qui sont intéressés. Généralement, oui. Oui, ceux qui financent, qu'est-ce qu'ils espèrent comme résultat finalement? Qu'est-ce qu'ils attendent? Alors, au niveau national, ce qu'ils espèrent tout simplement, c'est d'augmenter le nombre de publications du pays de manière générale. Et espérons-le, de faire avancer la science. Sinon, les aspects caritatifs, ce qu'ils espèrent généralement, c'est qu'on comprenne un petit peu mieux certaines maladies. Notamment, il y a des cancers qui touchent la corde chez les humains. Et travailler sur un organisme aussi simple que la CIDI, ça va peut-être permettre de découvrir des gènes dont la fonction a été conservée entre les humains et la CIDI, et qui seraient beaucoup plus facilement étudiables sur la CIDI que sur des humains. Donc régulièrement, on demande à travailler sur ce genre de choses, à obtenir des financements auprès de ces instituts qui espèrent à terme qu'on trouvera des traitements ou qu'on comprendra mieux, qu'on fera avancer en tout cas la médecine dans ce milieu. Est-ce qu'on a déjà fait des découvertes dans le domaine qui ont trouvé une application pratique dans la médecine ? Oui, y a pas mal de substances en fait pharmaceutiques qui ont été développées chez la CIDI. Dans la science, de manière générale, oui, ça a été assez décisif pour notamment comprendre comment les gènes étaient régulés. Et ça, c'était extrêmement important en fait, parce que comme c'est un organisme assez simple, on a pu et plus simple au niveau de l'ADN que les humains. En fait, l'ADN des humains, ce qu'on appelle le génome, c'est-à-dire toute l'information génétique des mammifères est en double. En fait, il y a eu une duplication du génome ancestral au niveau des vertébrés qui n'apparaît pas chez la CIDI. Du coup, comme tout l'ADN est en double au niveau du génome des vertébrés, on se retrouve un tout petit peu à une situation où certains gènes vont se compenser et on ne peut pas très très bien lire comment ils sont régulés. Tandis que la situation est beaucoup plus simple chez la CIDI et la régulation génétique est beaucoup plus facilement étudiable. Du coup, on a compris comment des mécanismes évolutifs et génétiques étaient impliqués pour obtenir une régulation génétique chez la CIDI, et on en a dérivé des informations, on a découvert des gènes chez l'humain par le biais de la CIDI, et voilà quoi. C'est beaucoup plus basique sur la science basique que d'autres organismes. J'imagine qu'il y a aussi cet ADN poubelle dont on a parlé, qui, en étudiant la CIDI, ça nous aide à mieux comprendre à quoi sert cet ADN poubelle, non ? Tout à fait, exactement. Enfin, maintenant, faudrait changer le nom, ouais. moi, j'appelle les mécanismes régulatoires, donc l'ADN régulatoire a été étudié chez la CIDI, a permis de comprendre des mécanismes extrêmement importants, notamment ce qu'on appelle des cascades génétiques, c'est-à-dire qu'au cours du développement et au cours des divisions cellulaires qui vont former un organisme, chaque cellule va se mettre à exprimer des gènes, c'est-à-dire produire des protéines en fonction de leur position et en fonction des divisions cellulaires précédentes. Et donc, il y a une sorte de programme génétique et on a essayé de comprendre en fait comment les gènes étaient organisés, parce qu'il y a un premier gène qui est exprimé dans la cellule œuf qui va entraîner l'expression dans les cellules filles de différents gènes, et on obtient des cascades génétiques ainsi pour qu'au final, on obtienne des cellules qui se différencieront qu'en un organe, par exemple la corde. Et donc les cascades génétiques qui ont été découvertes chez la CIDI ont permis de comprendre et d'ailleurs de trouver des gènes qui étaient conservés dans les cascades génétiques chez des vertébrés. D'accord. Voilà. Intéressant. Eh ben, pour revenir un instant sur tes recherches précédentes, ouais. Tu peux nous dire un mot des gènes iroquois, à commencer par leur nom, ça m'intrigue, pourquoi est-ce qu'on les appelle comme ça? Donc là, tu as trouvé un article à moi sur... Oui, en effet, donc durant ma thèse, j'ai travaillé sur des gènes iroquois. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction des organismes sur lesquels on travaille, la communauté scientifique va avoir plus ou moins d'imagination. Quand on travaille chez un petit ver qui s'appelle le nématode, les noms des gènes, c'est très classique, c'est 4 lettres et 3 chiffres. Et voilà, c'est pas très funky. Chez la drosophile, c'est une tendance, une mode qui s'est lancée. Et, ils sont mis à les appeler un petit peu n'importe comment. En fonction en fait des défauts morphologiques qu'on observait quand les gènes étaient mutés. D'accord. Et donc, y a des mutations qui faisaient apparaître plus de pattes, donc on appelait les drosophiles mille pattes. Il y a des gènes qui s'appellent Sonic Hedgehog parce que ça ressemblait un tout petit peu à un hérisson. Et voilà, il y avait un petit clin d'œil avec le jeu Sega. Et Iroquois, en fait, ce qui se passe, c'est que quand le gène est muté, quand la région de l'ADN est supprimée, on a observé un phénotype. Excusez-moi. C'est une expression consacrée, je m'emballe. On a observé un défaut morphologique où seuls les poils du milieu du thorax poussaient, mais ceux qui étaient sur les côtés disparaissaient. Du coup, ça fait penser un tout petit peu à la coiffure des Iroquois. Excellent. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que quand ils ont étudié un petit peu plus en avant la délétion qu'ils ont observée, qui entraînait ce défaut morphologique, ils sont aperçus que ce n'était pas un gène qui était disparu, mais trois gènes, c'est-à-dire trois séquences qui codaient pour trois différentes protéines très proches. Du coup, ils étaient un peu coincés parce qu'ils ne pouvaient pas les appeler Iroquois 1, Iroquois 2, Iroquois 3. Donc, ils sont encore lancés dans des délires. Ils ont appelé un Iroquois, l'autre Araucan, le troisième Copolicane, qui sont deux tribus d'Iroquois, d'Indiens d'Amérique. Et ils ont trouvé un quatrième qui n'était pas dans cette partie. Et qu'ils ont appelé Mohawk. Donc voilà, il y a quatre gènes Iroquois-like dans le génome de la mouche. Et moi, ce qui m'a intéressé, en fait, c'est d'essayer de comprendre pourquoi ils étaient justement comme ça, en complexe de trois gènes. Parce que la situation chez les vertébrés est identique. Où on a trois gènes Iroquois côte à côte. Enfin, trois. Paires de gènes, comme je vous ai dit, chez les vertébrés, il y a une duplication du génome, donc on voit trois paires de gènes sur deux différents chromosomes. Et ce qui m'intéressait, c'est de comprendre ce qu'il y avait. Est-ce que c'était parce que la situation ancestrale, chez l'ancêtre, il y avait trois gènes iroquois côte à côte, et ils ont été conservés au cours de l'évolution chez l'humain et chez la mouche, ou est-ce que c'était un hasard? Et dans ce cas-là, c'était très étrange qu'on retrouvait trois gènes à côté. Malheureusement, mes études ont permis de dire qu'on ne pouvait pas savoir de manière sûre si c'était un hasard ou si c'était une situation ancestrale, avec peut-être une situation ancestrale où il y avait deux gènes qui étaient côte à côte chez l'ancêtre de la mouche et de l'humain, et un troisième gène qui, par hasard, s'est dupliqué de manière indépendante chez ces deux organismes. Okay. Voilà, ça c'était mon article. La délétion des gènes iroquois chez l'homme n'a pas été étudiée, j'imagine. En fait, on utilise ça chez la souris ça n'a pas du tout. Déjà, on n'a pas les mêmes thorax que la mouche, donc ça n'a pas le même. On n'obtient pas les mêmes défauts morphologiques. De manière générale, il faut muter les trois gènes, ce qui est extrêmement difficile, les trois paires de gènes, mm-hmm. ce qui est extrêmement difficile chez la souris. Donc les défauts morphologiques sont assez subtils, et c'est surtout des défauts morphologiques au niveau de la formation des neurones. D'accord. Bon. Donc rien à voir avec les poils les poils du thorax de la mouche, en fait, sont associés avec des neurones, donc il y a éventuellement une fonction ancestrale qui a été conservée entre la mouche et l'humain, et parce que justement avec cette association de neurones, parce qu'il y a perte des poils, mais aussi des neurones de ces parties latérales du thorax. Donc c'est encore à explorer. Malheureusement, moi, je travaillais sur un ver marin sur lequel les études sont extrêmement difficiles à mener. Donc je me suis intéressé uniquement au niveau génétique, encore une fois, des études in silico, à comparer les gènes, à comparer sur plein de génomes d'organismes pour voir quelle était la situation. Mais je ne me suis pas intéressé à ce qui se passait quand on enlevait les gènes dans ces différents organismes. Ok, bon, pour changer un petit peu de registre, là, on va... Je crois que j'ai endormi tout le public. Ah oui, bon, c'est un peu difficile, ouais. C'est peut-être pour ça qu'en fait que je me suis mis à bloquer Strange and Funky, parce que j'essayais à tout prix de rendre ma recherche funky, et c'est pas facile, c'est un exercice de style qu'il faut que je travaille. Ok, bon, pour se réveiller, on va parler un peu café des sciences. Oui. Depuis combien de temps tu publies également sur Café des Sciences ? Ça arrivait très vite. Au bout de 6 mois, au bout de 2 mois à peine que j'ai créé mon blog, je leur ai proposé ma candidature. Je ne me rendais pas compte en fait, que c'était quand même une association assez dynamique et exigeante. Et donc on m'a dit, bah, on va voir comment tu te débrouilles encore quelques mois. Et ensuite, on va voir si tu peux venir sur le Café des Sciences. Ouais. Et ouais, je me suis senti un petit peu sur la sellette, mais au final c'était très bien parce que ça a un peu lancé le style plus scientifique de Saft. Parce mm-hmm. que c'est sûr que les premiers articles c'était chaton, science, chaton, et trucs bizarres. Et donc après j'ai un peu changé de fusil d'épaule. Et donc depuis, ouais, voilà, je suis membre actif dans le sens où je suis blogueur pour le Café des Sciences. Je suis regroupé sur la série de liens qui est disponible sur leur site. Je fais partie aussi des discussions. J'essaye un tout petit peu de mettre mon grain de sel. Je ne fais pas partie du directoire en fait, du Café des Sciences. J'aimerais bien peut-être, je pense que là c'était un peu difficile aux États-Unis, mais si tu rentrais en France, bah, je proposais de m'investir un petit peu plus dans la gestion du Café des Sciences, niveau un petit peu plus. Parce que maintenant je deviens un peu un vétéran. Quoi. Et t'es très impliqué en fait, ça consiste en quoi ces discussions? En fait les discussions c'est généralement de savoir qui va rentrer, qui va rentrer dans le Café des Sciences, quels sont les événements autour du Café des Sciences qui peuvent être faits. D'accord. Et là surtout les discussions c'était de savoir comment faire développer la plateforme du Café des Sciences pour obtenir des systèmes un petit peu plus à l'anglo-saxonne. Normalement, il y a des... quand on voit la blogosphère anglo-saxonne, il y a des choses comme Science Blog ou Research Blogging, où il y a des outils qui sont mis en place pour permettre la vulgarisation scientifique d'être beaucoup plus efficace mm-hmm. et beaucoup plus dynamique. Et c'est ce qu'on essaye un petit peu d'installer, notamment en se rapprochant d'autres outils, des aspects de la blogosphère comme OVNISCIENCE, je ne sais pas si vous connaissez, ou NoTex, mm-hmm. que vous connaissez aussi. Et voilà, quoi. Donc de faire un petit peu migrer tous ces nouveaux sites pour essayer de faire une plateforme générale et très très dynamique, on espère. Tu as aussi un autre projet qui est tout neuf en fait, qui s'appelle Strip Science. Tout à fait. Ça, par contre, c'est mon bébé, mon projet à moi. Strip Science, en fait, ce serait un moyen de faire encore fusionner deux bulles de la blogosphère. Et bulles, c'est bien parlé, puisque c'est BD et science. Moi, j'adore la BD. Depuis que je suis tout petit, ce que je regardais principalement dans Science et Vie Junior, c'était des articles où il y avait de la BD, ou en tout cas des personnages un petit peu cartoon, parce que, je sais pas, ça me parle beaucoup plus. Et depuis, je suis avidement tous les blogueurs, les dessinateurs qui parlent de science. Et à ce niveau-là, par exemple, j'ai entendu Antoine parler souvent de Marion Montaigne, qui a un blog qui s'appelle, je vais essayer de m'en souvenir, Tu m'auras moins bête, mais ouais, tu m'auras quand même, qui a un blog de science assez ahurissant, très funky justement. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire un petit peu fusionner les deux milieux. On a des blogs scientifiques qui ont la patate, qui veulent montrer un tout petit peu un petit peu plus de science. On a des dessinateurs qui certainement ne maîtrisent pas tous les aspects de la science. On peut faire fusionner ça, on peut faire des partenariats. Et donc voilà, c'est ça le projet Strip Science qu'on essaye de mettre en place pour septembre. Donc j'essaye de joindre le maximum de dessinateurs, donc s'il y en a qui sont lecteurs, qui sont poditeurs, il faut nous rejoindre. Je pense qu'on pourra mettre un lien vers la plateforme pour que les gens puissent nous revenir. Justement, j'ai contacté Lucille et Forza Pedro qui sont aussi d'autres poditeurs et qui nous ont rejoints sur Strip Science, et on espère que justement ce sera des premiers partenariats prolifiques. L'appel est lancé. Et sinon, bon, là, on a passé combien de temps, Mathieu? T'as un peu tenu un compte, toi? Je pense qu'on a passé l'heure, là. D'accord. Alors, ok. C'est ma faute. On va peut-être gentiment commencer à conclure. Parmi tes autres projets, tu nous as dit dans un commentaire que tu préparais un livre de science-fiction. Ouais. Mais j'attends toujours la réponse de Mathieu. Parce que donc j'ai pas complètement répondu. Hein. Ben non. Je m'attendais à autre chose. Enfin, en tout cas, j'ai adoré vraiment l'émission. C'était assez génial. J'ai adoré. C'était le dossier sur la lumière de la semaine dernière. Oui, voilà. Donc en fait, ma question, c'était de savoir ce qui se passait au niveau d'un photon qui rencontre une surface réfléchissante. Et j'ai adoré notamment un des aspects qu'avait illustré Mathieu, parlant de la lumière, notamment pour dire que ça pouvait, avec la métaphore du cylindre, je ne sais pas si tu te rappelles, mm-hmm. qui était assez géniale, et justement qui m'a permis de me rendre compte de choses assez fondamentales sur la lumière. Mais ma question n'a pas été répondue. Donc toi, ce que tu veux savoir exactement, c'est quand un photon rencontre un miroir et qu'il est réfléchi, quelle interaction il y a avec le miroir exactement? Voilà, quelle est l'interaction avec la matière, voilà. En gros, C'est tout le problème. Je ne suis pas hyper au clair parce qu'en fait, comme je l'avais dit dans le dossier, il y a un phénomène ou d'absorption ou de réflexion. Donc, ouais. Quand il y a un phénomène d'absorption, là, oui, il y a une interaction avec les atomes qui augmentent le niveau d'énergie des électrons, par exemple. L'énergie du photon fait augmenter le niveau d'énergie des électrons d'un atome quand il y a une absorption. Mais c'est vrai que quand il y a une réflexion, je suis pas très au clair s'il y a une réelle interaction avec les atomes, tu vois. Parce que c'est ça qui me surprenait énormément. Est-ce que c'est le même photon, mais qui rebondit, mais il rebondit sur quoi? Parce qu'on dit aussi que le photon, en fait, il existe réellement quand il y a une interaction, tu vois. Alors peut-être que quand on parle de réflexion, on n'a pas réellement l'idée de photon dans. Il n'y a pas encore de photon. Mais même dans le cas d'une onde, j'arrive pas à me représenter ce qui. Enfin, il y a une interaction. Enfin, quand une onde est réfléchie. Je me représente pas ce qui se passe. Ma grande question, c'était de savoir si c'était le même photon, s'il était absorbé et réémis à l'identique, si, je sais pas, moi j'avais l'impression que la lumière pouvait être uniquement à interagir avec la matière, mais j'arrive pas à me représenter comment elle peut être courbée, à part quand c'est justement une courbure de l'espace-temps qui fait que la lumière est déviée, mais j'arrivais pas justement à représenter ce qui se passait au niveau de l'interaction avec une surface réfléchissante. Bon, écoute, je vais essayer de creuser un peu plus, voir si je trouve quelque chose. Je te ça se trouve, on sait pas, et c'est ça l'intéressant. Ouais, enfin là, c'est vrai qu'il va falloir creuser. Si un livre de science-fiction signé Topo en dépend... Ouais, bon, c'est... un livre parmi les 25 idées de projets de livres de science-fiction, de nouvelles et tout ça que j'ai sous le bras. Donc, il ne faut pas se formaliser. J'en ai d'autres. Donc, tu n'as pas débuté la rédaction encore? Ah non, c'était il y a un mois, je me suis posé une question comme ça. Et je vais faire le pitch parce que ça se trouve, ça va intéresser des gens qui vont pousser à écrire. Donc, l'idée, c'était les paradoxes temporels. Le gros problème des voyages dans le temps, c'est dans le passé, on va dire uniquement, c'est que on peut savoir qu'il n'y a pas de voyage dans le temps parce qu'il n'y a pas de paradoxe, parce qu'on n'est pas en train de voir des centaines de touristes du futur. Et du coup, si on veut rester avec cette manière-là de réfléchir, mais qu'on envisage quand même un voyage dans le temps, la seule manière qu'il y ait des voyageurs dans le temps, ce sont des voyageurs qui n'interagissent pas avec la matière. Donc la seule chose qui n'interagit pas comme ça, où on pourrait projeter finalement une image du passé dans le futur, c'est de la lumière qui aurait voyagé et qu'on serait capable de récupérer. Quand on voit le ciel étoilé, en fait on est en train de voir des centaines et des centaines de milliers d'étoiles, chacune sont à un temps différent parce qu'elles sont à chacune une distance différente, donc en fait on est en train de voir une image du passé. Alors moi, mon idée, le pitch début, c'est de se dire, bah, et si on arrivait à trouver une étoile ou un corps stellaire qui est totalement réfléchissant, est-ce qu'on serait pas capable au final d'analyser la lumière et de nous retrouver, nous, de voir une image du passé? Et donc ce serait ça le voyage dans le temps possible. C'est-à-dire qu'on serait capable de voir le passé et peut-être de reconstruire une forme de matrice, un petit peu à la matrice, les films de matrice, une forme du passé qui serait justement alimentée par ces lumières qui nous arriveraient réfléchissantes à 1 million d'années-lumière ou peut-être à 100 années-lumière, je ne sais pas. J'ai juste une question, je ne suis pas sûr s'il y a un petit détail qui chiffonne. Attention. Moi, je ne vais pas l'écrire. Non, actuellement, quand on regarde une étoile, la lumière qui nous arrive de cette étoile, en fait, nous donne l'état de l'étoile dans le passé. Oui. D'accord. Donc, c'est déjà une sorte, à quelque part, de voyage dans le passé. De voyage dans le passé, oui. Et toi, dans ton livre, ce que tu veux essayer de faire, c'est faire réfléchir une lumière sur un astre. Non, enfin, d'obtenir une lumière, en fait, de viser, on aurait un satellite à la Hubble, ouais, qui arriverait à trouver, comme on est à la recherche d'exoplanètes avec les sondes Kepler, on arriverait à chercher plus particulièrement des planètes qui sont totalement réfléchissantes, je ne sais pas en quelle matière, peut-être en mercure totalement, si c'est possible, je ne sais pas. Mm-hmm. Et la lumière qui nous arriverait, en fait, ce serait une lumière qu'on aurait émise, nous, il y a des... à la distance, à la double distance à laquelle on se retrouve. D'accord. 64 millions d'années au hasard, on pourra enfin voir ce qui s'est exactement passé au moment de l'extinction des dinosaures. D'accord, ouais. Ouais, ça me plaît bien. Ça me plaît bien, ouais, aussi, ouais. Mathieu ? Écoute, je vais creuser le sujet parce que ça me plaît bien, quoi. Parce que justement, voilà, si c'est pas le même photon, je sais pas justement s'il y a un biais justement en fonction du photon. Je voulais notamment savoir si on pouvait, à partir de ce photon, donc la durée de vie d'un photon, ce serait... On présumerait que ce serait éternel, si même en interaction avec la surface réfléchissante, il ne serait pas modifié. Dans ce cas-là, est-ce qu'on peut retirer de ce photon d'autres informations que uniquement la lumière ? Est-ce qu'on arrive, à voir quel atome l'a émis ou des choses comme ça ? Mm-hmm. Bon, je prends note. On va essayer de te donner un coup de main. Merci. Mais sinon, y a beaucoup de livres de science-fiction qui parlent de présupposés scientifiques totalement faux. Donc... peut y aller, hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et sinon, t'as d'autres projets dans l'air du genre? Comme je t'ai dit, une vingtaine. Hein, tous les matins, je me réveille, je fais attends, c'est trop bien, je vais faire un film d'animation, je sais pas, je vais faire un court métrage, je vais me lancer dans la chanson, je ne sais quoi. Je suis assez fort justement pour démarrer des projets. Ce que j'aime bien faire, c'est quand même les garder sous le coude. Donc là, un projet qui me tient bien, c'est de faire un partenariat avec un dessinateur qui m'est cher. C'est mon beau-père et ami Alain Prunier, qui, en fait, sans le savoir, a bercé toute mon enfance, parce que c'était un dessinateur de Science et Vie Junior. Donc les illustrations de Science et Vie Junior que j'adorais par-dessus tout, j'ai découvert 10 ans après que c'était le copain de la mère de ma future femme, qui, c'est très clair, hein. Si, non, mais on a suivi. qui les dessinait. Donc, quand je suis arrivé chez lui, j'ai un peu halluciné. Et nécessairement, après, y a un partenariat assez gigantesque qui s'est fait, dont un livre qui s'appelle Les Aventures de Topo et que j'aimerais bien publier un jour. Donc, il est écrit Ouais. Mais pas publié. Mais pas publié. On a déjà envoyé quelques maisons d'édition sans succès. Je pense pas que ce soit un projet totalement abouti. Je suis déjà en train de travailler sur le tome 2. C'est court, hein, c'est une cinquantaine de pages. C'est un peu dédié pour les adolescents. C'est très très joliment illustré. Peut-être que le texte ne suit pas. On a gardé le personnage. On a essayé aussi de faire un système où on racontait des comptines. On a notamment une comptine qui s'appelle Le Petit Capuchon Rouge, où on reprend justement des personnages de taupes qui refont les comptines, justement le chaperon rouge, mais méthode un peu gore et funky. Et voilà, donc j'ai plusieurs projets sur le pot, mais franchement, j'aimerais bien que ça marche, parce que c'est un dessinateur d'une excellente qualité, et il devrait être publié depuis très longtemps. Voilà. Bon, on croise les doigts. Merci. Oui, sinon, on avait encore quelques brèves questions à te poser, mais on va vraiment pas faire trop long. Comment t'es tombé sur Podcast Science, hein ? En écoutant le crossover que vous avez fait avec Scepticisme Scientifique. D'accord. Que j'écoute depuis longtemps. Ok. Ouais, en fait, je suis très versé dans le créationnisme et les controverses que travaille le créationnisme, le scepticisme, l'athéisme et tout ça. Mm-hmm. Donc j'écoute beaucoup de podcasts de gens. Et bah là, ça m'a fait un petit peu une bouffée d'air frais de justement d'écouter un podcast français scientifique. Donc non, j'étais vraiment ravi d'avoir découvert votre podcast comme ça. Cool. Et puis si tu pouvais contourner les aléas de la hiérarchie et accéder directement à leur rédaction en chef, donc celle de Podcast Science, tu disposes d'une baguette magique. En même temps, là, t'es chez moi, donc. C'est vrai. C'est le meilleur moyen. Est-ce que tu changerais quelque chose à l'émission ? Moi, la seule chose, voilà, les sujets sont impeccables. Faut pas me demander de critiquer les choses. Généralement, j'en ai pour 3 heures. Ouais, alors, peut-être à 1 minute. Alors, en 1 minute, moi, les sujets sont vraiment géniaux. J'adore votre manière d'aborder ces sujets. Donc, je changerai à rien sur ça. La seule chose, c'est la qualité audio, bah, avec les petites coupures intempestives parfois. Ouais, voilà, c'est la production que je changerais avec peut-être des moyens, peut-être en faisant un appel à podcast, enfin aux poditeurs pour vous fournir des là le micro en tout cas il est de qualité, mais non, mais pour vous permettre d'éditer de manière impeccable, enlever les petits blancs et tout ça, parce que voilà, c'est la seule chose qui me trouble. Notamment parfois il y a des moments où il y a beaucoup de coupures intempestives, là il n'y en a pas eu, c'est assez génial. On en a eu une petite à un moment, mais ça n'a pas trop dérangé. Bah voilà, moi c'est la seule chose qui me dérange, le reste restez comme vous êtes, c'est vachement bien. Bah, merci, cool, bien. Merci beaucoup. En venant de toi, ça fait particulièrement plaisir. Merci. Et où est-ce qu'on peut te trouver sur le net, hein? Partout. C'est-à-dire Alors, donc, il suffit de taper Saft sur Google pour me trouver, c'est-à-dire pour trouver mon blog Strange Stuff and Funky Things. Donc Saft, SSAFT.com. Voilà. Ouais. Mm-hmm. Même d'ailleurs, si on met SAFT, généralement, on trouve aussi. On me trouve sur le Café des Sciences, on me trouve sur Twitter avec Pierre Kerner comme PIE2REKERNER. On me trouve sur Agoravox, on me trouve sur une page Facebook dédiée à Saft. Et sinon, on me trouve en train de troller les commentaires de Podcast Science. Mais de manière respectueuse, hein, je trouvais que toujours vos émissions à impec. Bon, c'était juste un petit problème cette fois-ci. Il fallait pas le prendre mal. Mais pas du tout, au contraire. Ouais, donc effectivement, ça, t'as bien répondu initialement, on te trouve partout sur Internet. Si vous tapez ça dans Google. Et puis Mathieu, t'avais encore une ultime question. Oui, mais je crois qu'on va en rester là aujourd'hui, parce D'accord. que c'est une question qui se répond. Je crois pas qu'on va répondre en 2 secondes non plus. C'était suite aussi au dossier que tu avais fait sur le test ADN. On avait eu une petite discussion via commentaire du dossier interposé avec Pierre sur ce qu'est maintenant la différence entre ce qu'on appelle animal, organisme, ce que c'est, bueno, les différentes lignées du vivant entre les organismes unicellulaires, métazoaires. Pour ça, j'avais déjà commencé à réfléchir à partir du commentaire. Donc ce que je ferais, c'est que je ferais une réponse un peu plus chiadée et que je la posterai en commentaire de cette émission. Ou sinon, ce qu'on peut faire, c'est peut-être se redonner un autre rendez-vous d'ici quelques semaines et d'en parler un peu plus tranquillement lors de nos émissions aussi. Mais c'est une excellente idée. Quand vous voulez. Non, honnêtement, moi je serais ravi de parler, j'aime bien parler. Peut-être un peu trop. Mais bah, sujet, ouais, ce serait bien parce que à mon avis... On fait comme ça. C'est vrai, okay. C'est vrai que parce que je pense que ça peut mener à pas mal de confusion dont moi j'ai été le protagoniste, donc ce serait bien qu'on en parle, je pense, une fois pour un peu éclaircir tout ça. Eh ben, c'est un rendez-vous. Ouais, okay. Le rendez-vous est pris. Excellent. Mathieu, tu nous as préparé une quote. Oui, ben une quote d'ailleurs que nous avons envoyée Pierre Kerner il y a quelques temps, j'en ai profité. elle est en anglais, bah, je te la laisse traduire, Pierre. Alors bon, vous excuserez mon accent qui n'est pas terrible, mais elle est un petit peu longue, alors il faudra bien écouter. Bon, toi tu la connais, Pierre. Ouais. Moi je ne me rappelle plus. Pardon ? Et moi je ne me rappelle plus, évidemment, ça va être la surprise. Elle est de Richard Dawkins, donc ce fameux. Ah. Comment on pourrait le décrire ? Un biologiste, non ? Oui, oui. Ouais. Elle va de la manière suivante. Our brains have evolved to the point where we are capable of rebelling against our selfish genes. The fact that we can do so is made obvious by our use of contraceptives. Alors, moi, à chaque fois qu'il y a la quote, je suis ébahi par la capacité d'Alan de faire les traductions comme ça sur la volée. Moi, je suis absolument pas capable de faire ça. Donc, Alors attends. Alan, je te laisse faire. Bon, on va essayer, mais je me concentrais pas tellement parce que je pensais que tu allais le faire. Bah oui, je suis désolé. Donc, Je qu'est-ce vais qu'il la dit? mettre dans la wave directement pour que vous l'ayez sous Ouais, les yeux. magnifique, là, je l'ai sous les yeux maintenant. Donc, nos cerveaux ont évolué jusqu'au point où ils sont capables de se rebeller contre nos gènes égoïstes. Le simple fait que. The fact that we can do so, le simple fait que nous puissions le faire est rendu évident par notre utilisation des contraceptifs. C'est pas une très bonne traduction. Ah non, si, c'était parfait, mais Oui. moi, à chaque fois, je suis bluffé. Moi, je ne serais pas capable de faire quelque chose, moi, je balbutierais. Donc, non, si, c'était exactement ça. Ouais, c'est intéressant, ça. Bah, ça illustre vachement bien l'idée que c'est pas parce que il y a un fait de l'évolution qu'on est obligé de subir ces règles. Et donc, voilà, On le se simple fait que. rebelle contre l'évolution. Exactement. Et c'est tant mieux. Le postulat du gène égoïste, qui est un livre absolument fabuleux d'ailleurs de Richard Dawkins, c'est qu'on n'est pas là pour transmettre nos gènes à la génération suivante, c'est que nos gènes sont là, enfin se servent de nous Se nous comme, utilise, ouais. comment il appelle ça, on est des véhicules. Des véhicules et tout à fait des vaisseaux Ouais, c'est ça. pour les transmettre finalement. Exactement. Nos gènes ont un seul et unique but dans la vie, c'est de se transmettre à la génération suivante et puis mettre en place toutes les stratégies possibles, quitte à inventer les créatures les plus invraisemblables, dont nous, simplement pour passer à la génération suivante. Et puis là, effectivement, y a comme un frein avec les contraceptifs. Il n'y a plus d'essence dans le véhicule. Ouais. Oui, mais enfin, il y a beaucoup de comportements comme ça qui paraissent totalement absurdes. L'utilisation des contraceptifs, en effet, chez l'homme, c'est quelque chose qui est pensé. Donc, nécessairement, ça a une autre connotation. Mais il y a beaucoup d'organismes en fait, qui vont se sacrifier. Et il a été justement à la sortie du gène égoïste. On a eu du mal à distinguer du discours de Richard Dawkins le fait qu'il parlait de ces stratégies des gènes pour transmettre, mais que derrière, il illustrait aussi de manière assez impeccable comment des comportements comme l'altruisme, comme le sacrifice, pouvaient émerger toujours en accord avec le fait que des gènes cherchent à se transmettre. Donc, ouais. Bah, excellente quote, Ouais, ça magnifique donne à quote, très bien réfléchir. trouvée. Bah ouais. On va en rester là pour cette semaine. Je crois qu'on a fait un épisode assez long. Moi, j'ai toujours pas de compteur sous les yeux, mais Je crois, on a largement dépassé l'heure là. ouais. Ouais, on doit être à 1h20 minutes facilement, je pense. Drame. Bon, mais c'était pour la bonne cause. Moi, j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Bah écoute, professeur Fon, bonne fin de séjour à New York. J'espère Merci. que tu pourras nous raconter un peu ce que tu auras vu la prochaine fois. Merci Pierre pour toutes ces Si. explications. Bah on se retrouvera peut-être dans quelques semaines pour que tu nous expliques un peu les différences entre animal, organisme et toutes ces choses-là. Parfait. Et ben bonne fin de semaine à vous deux. Ah, Bonne fin de merci. semaine. Bonne fin de semaine à toi. Allez, Bonne fin de ciao. semaine à tout le monde. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.